Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Today we still continue with our message, faith. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft über den Glauben. On va continuer avec notre message. Il s'agissait de la foi. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's life is our faith. Das Leben von Christus ist unser Glaube. La vie de Jésus-Christ est notre foi. Christ's life is faith's life. Das Leben von Christus ist ein Glaubensleben. La vie de Jésus-Christ est la vie de la foi. Once you come to Christ, you are going to live in a faith life. Wenn du zu Christus kommst, wirst du in einem Glaubensleben leben. Quand tu viens vers Jésus-Christ, tu vas vivre dans une vie pleine de foi. You cannot come, you know, without faith, you cannot walk with Christ. Ohne Glauben kannst du nicht zu Christus gehen. Sans la foi, tu peux pas travailler avec l'Éternel. Amen. There is nothing that can be done without faith in the kingdom of heaven. Nichts kann getan werden ohne Glauben im Königreich des Himmels. Rien ne peut être fait dans le royaume des cieux sans la foi. Praise the Lord. Hallelujah. Even our salvation is by faith. Unsere Rettung ist durch Glauben. Notre salut c'est à travers la foi. Praise the Lord. You have to believe you are already saved. Du musst glauben, dass du schon errettet bist. Tu dois croire que tu es déjà sauvé. Amen. Que tu as ton salut. And not you are going to be saved. Nicht, but you are already saved. Errettet wirst, sondern du bist schon errettet. Tu ne crois pas que tu auras ton salut, mais tu crois que tu as déjà ton salut. Praise the Lord. Again, our salvation is by faith. Unsere Errettung ist durch Glauben. Notre salut c'est à travers la foi. In the kingdom of heaven, everything works by faith. Im Königreich des Himmels funktioniert alles durch Glauben. Dans le royaume des cieux, tout est en train de fonctionner à travers la foi. It means it is opposite five senses. Das heißt, das ist das Gegenteil der fünf Sinne. Ça signifie c'est le contraire de les cinq sens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It means it is opposite five senses. Das ist das Gegenteil der fünf Sinne. Ça signifie que la foi est le contraire des cinq sens. Amen. Amen. Nothing ever works without faith. Nichts funktioniert ohne Glauben. Il n'y a rien qui marche sans la foi. Amen. Amen. If you go to Hebrew 11 from 1 to the end, it says by faith, by faith, by faith, by faith. Wenn wir von everything done by faith. Abgehen, dann sehen wir, dass alles durch Glauben funktioniert. Si on voit, on lit Hébreux 11 vers la fin, on va lire que il dit toujours c'est à travers la foi que quelque chose s'est accompli. Donc toute chose marche à travers la foi. Amen. Amen. The faith chapter. Amen. Glaubenskapitel. C'est le chapitre de la foi. Amen. Hébreux 11. From one to the end. It's all about faith. Faith. Without faith, you cannot please God. They all walk by faith. Mm. They all live by faith. They all died by faith. They die everything done by faith. Mm. Praise the Lord. Getan durch Glauben. Sie haben durch Glauben gelebt. Sie haben durch Glauben gehandelt. Dans Hébreux 11, ça nous fait voir donc du premier du chapitre du verset 1 jusqu'à la fin. Il s'agit que de la foi qu'ils ont fait. Ils nous ont fait voir des exemples des autres apôtres qui ont vécu à travers la foi, qui ont tout eu leur manifestation à travers la foi. Praise the Lord. Hallelujah. You believe you are saved, though you have not seen your name written in heaven. Wir glauben, dass wir errettet with sind, your physical eyes. Obwohl wir unseren Namen noch nicht im Himmel geschrieben sehen haben. Nous, on croit qu'on est sauvé, qu'on a notre salut, on l'a reçu malgré, on n'a jamais vu nos noms écrits au royaume des cieux. On ne les a pas vus avec nos yeux physiques. Amen. Amen. Like Abraham in Hebrew 11. Let us go there. Amen. Abraham, Hebrew 11. In Hebrew 11. Tout comme Abraham dans Hébreux 11, on va le lire ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 11, 8 to 10. Hébreux 11, 1 bis 10. 8 bis 10. 8 à 10. Hébreux 11, 8 à 10. Amen. He said, by faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. Are you getting it? Mm. He believed. The Lord did not even reveal the place to him. Mm. He did not know, but he went. He obeyed the voice. Der Herr hat ihn den Ort noch nicht mal offenbart, aber er ist gegangen. Ici on voit que c'est à travers la foi que Abraham a a obéi l'Éternel de partir dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Donc il ne savait même pas où est-ce qu'il partait, mais il est seulement parti. In verse 9, it says, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, and the heir with him of the same promise. Verse 10. Verset 10. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. All you know is Christ. Alles, was wir wissen, ist Christus. Il savait rien sauf Jésus-Christ, comme nous aujourd'hui, on sait que Jésus, on connaît que Jésus-Christ. Amen. Amen. All Abraham knew is God. Alles, was Abraham wusste, war Gott. Tout ce que Abraham savait, c'était Dieu. So also, all you are to know is that Christ. Genauso sollten wir auch alles, das Einzige, was wir wissen, ist Christus. Gott. Tout comme nous aujourd'hui, la seule chose qu'on doit savoir et considérer, c'est Jésus-Christ, notre Amen. Dieu. Heavenly system must be studied. Das himmlische System muss studiert werden. Le système de le royaume des cieux doit être étudié. No one is born with it. Niemand ist damit geboren. Il y a personne qui est né avec ce système. It has to come through revelation. Es muss durch Offenbarung kommen. Ça vient à travers une révélation. It is through revelation you are now saved. Durch Offenbarung bist du auch gerettet. C'est à travers une révélation que tu as ton salut. That is why I cannot argue anybody to the kingdom of heaven. It has to come through revelation. Niemand in das Königreich Gottes diskutieren. Es muss durch Offenbarung kommen. C'est pour cela tu ne peux même pas discuter avec quelqu'un si il est dans le s'il a son salut ou pas, parce que ça vient à travers la foi. Amen. Once it comes to argue, may God leave there. Don't argue with anybody. Wenn es um eine Diskussion geht, dann musst du das abbrechen, weil das ist nicht deine Aufgabe. Si tu as une discussion pareille, c'est pas ton travail. Donc c'est une révélation. La personne doit savoir s'il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé. C'est pas ton travail. Because you cannot argue anybody to the kingdom of heaven. Du kannst niemand in das Königreich hinein diskutieren. C'est pour cela tu ne peux pas forcer quelqu'un. Ou bien discuter avec quelqu'un pour qu'il puisse entrer dans le royaume des cieux. Because to live in the kingdom of heaven is spirit to spirit. It is not flesh and blood. It's going to come out through the spirit, which is revelation. Denn im Königreich, the inside. Das Himmel zu leben ist von Geist. Es geht von Geist zu Geist. Es ist von innen nach außen. Et c'est pour cela, pour vivre dans le royaume des cieux, ça marche à travers c'est par esprit et esprit, donc c'est seulement les deux esprits qui sont combinés qui vivent dans le royaume des cieux. Il n'y a rien charnel dedans. Because what you are going to be hearing there in the kingdom of heaven, what you are going to be hearing in the kingdom of heaven, your natural mind, your natural brain cannot cope with it. It's bigger than you. Das Himmels hören wirst, es ist größer als du. Dein natürlicher Verstand kann das nicht greifen. Parce que ce que tu vas écouter dans le royaume des cieux, c'est trop grand, c'est trop gros pour la chair, en fait. Praise the Lord. Amen. You know, Jesus said, I would like to tell you a lot of things, but you cannot get them now. Jesus sagt, ich würde euch gerne viele Dinge sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Même Jésus-Christ lui-même, il a dit que j'aimerais bien vous dire beaucoup plus de choses, mais vos cerveaux, vous n'êtes pas capables à le comprendre. Amen. Because the kingdom of heaven, you cannot live there. Flesh and blood cannot live there. It takes spirit to live there. Denn Fleisch und Blut können im Königreich zumindest nicht leben. Es braucht den Geist, um dort zu leben. Parce que la chair n'est pas capable à vivre dans le royaume des cieux. Tu as vraiment besoin d'être en esprit pour y vivre. Christ's word is more than no man can get it, can understand it. You need the help of the Holy Ghost. Amen. So that you can get it. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes, damit du es verstehst. Tu as vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre le royaume des cieux. They are all opposite this world. Sie sind alle das Gegenteil dieser Welt. Parce que c'est vraiment le contraire de ce monde. Praise the Lord. Alléluia. They are all opposite Satan. Sie sind alle das Gegenteil von Satan. C'est le contraire du diable. Amen. Mm-hmm. In verse 12 of John 16, he said, I have yet many things Jean to say unto you. But you cannot bear them now. Johannes 16, 12. Praise the Lord. Jean 16, 12 nous dit que, là il dit que nous ne sommes pas capables à comprendre le royaume des cieux. Amen. Amen. I have a lot to reveal to you, but your brain is just too small. Vieles habe ich euch zu offenbaren, aber euer Verstand ist zu klein dafür. Il a dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc vous n'êtes pas capable à les porter dans votre. If you were already a professor, you cannot even get it. Selbst wenn du schon ein Professor bist, kannst du es nicht verstehen. Même si tu es déjà un professeur, tu n'es pas capable à le comprendre. To bust your brain. Es wird deinen Verstand zum Platzen bringen. Ça va. Hier zum Platzen bringen. Ça va. Si tu essaies de le comprendre avec ton cerveau physique, ton cerveau risque d'éclater. It's like you are trying to squeeze this house as big as it is inside a cup of tea. Are you getting it? C'est comme si tu versuchst dieses ganze Haus in eine Teetasse zu quetschen. C'est comme si tu voulais même mettre toute cette maison, cette grande maison que nous avons ici, de le mettre dans une petite tasse là. Ça va pas marcher. Amen. Like Jesus said that it will take the head of a camel to go through the eye of a needle. You know the eye of a needle. You know how many of you know what needle is? Have you seen it? How many of you have seen it? Raise up your hand. Your legs too. Amen. Praise the Lord. Genauso wie Jesus auch sagt, dass es braucht ein Kamelkopf, der durch ein Nadelöhr gehen muss, damit ein Reicher in das Königreich Gottes eingeht. Und haben einige von euch schon mal ein Nadelöhr gesehen, wie klein das ist? Man muss sogar seine Augen zusammenquetschen, damit man das überhaupt richtig sehen kann, damit da überhaupt ein Faden durchkommt. Es ist schweige denn ein Kamelkopf. Reichtum ist nicht Bild am Geld. C'est pour cela l'Éternel dit aussi que un homme riche puisse entrer dans le royaume des cieux, il y aura même une grande tête d'un camel, un chameau pour entrer dans un trou de l'aiguille, par exemple. C'est ça qu'il nous dit pour voir comment c'est difficile pour un homme riche d'y entrer. Praise the Lord. Hallelujah. You know that the rich man that Papa just talked about also, it's not just all about money alone. You know, degree, everything, you know, even for you, you know, with your degree, you want to understand Christ. It can never work. Und dieser Reich, da geht es nicht nur um Geld, sondern um jeglichen Reichtum, den sich ein Mensch anhäufen kann, ob es Verstand ist, ob es Schönheit ist, ob es Stärke ist, all das, was sich der Mensch anhäufen kann. Und diese Dinge werden dich betrügen. Et quand il parle ici d'un riche, un homme riche, il ne dit pas seulement du physique, de l'argent. Il parle, par exemple, de ta beauté. Tu peux être riche quand tu es trop belle, tu as un titre, tu es docteur, tu es professeur. Et tout ça va t'empêcher à entrer dans le royaume des cieux parce que tu dois vraiment être spirituel et laisser toutes ces choses-là derrière toi pour comprendre le royaume. Praise the Lord. Alleluia. Papa also said something. He said like Nicodemus. Amen. You know Nicodemus. The story of Nicodemus. Tout comme Nicodème. Amen. Mm-hmm. He was well educated, but upon all, he could not understand common born again. That is like an A out of A B C D E. A, you cannot get it. How can you get B? How can you get C? He could not, because things of the spirit are spirit. Things of the flesh are flesh. Yeah. And you cannot understand the kingdom of heaven with your natural mind. With your physical mind, the mind you use to study your book in your school is different from the mind you use to know Christ. Und auch genauso wie Nikodemus, der, obwohl er so einen krassen Titel hatte, dennoch nicht verstehen konnte, was Jesus gesprochen hat, das Geistliche nicht verstehen konnte. Und so ist es auch, dass du mit deinem Wissen dieser Welt die Dinge des Geistes eben nicht reifen kannst. Und das ist egal, wie viele Titel und Urkunden oder Abschlüsse du hast, das wird dir nichts bringen, wenn es um den Geist geht, wenn es um Jesus Christus geht. Da musst du all das ablegen. C'était tout comme Nicodème, par exemple. Lui, on voit dans Jean 3, on voit l'histoire que lui, il était un bishop, il était vraiment avait une grande une grande position, mais il n'était pas capable à comprendre qu'est-ce que signifie être né de nouveau. Et c'est une chose de la base, parce que même Jésus-Christ a dit que c'est une chose vraiment de la base, normalement il devrait le comprendre. Ça signifie que ça nous fait voir que tout ce qui est de l'esprit est pour l'esprit, et ce qui est charnel est charnel. Donc la chair ne peut jamais comprendre l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. And even age, you know, age, that you are old does not mean you will know Christ. Mm-hmm. You know, when you are telling your mother Christ, you are preaching Christ to them. You know, they say, I gave birth to you. I'll be going to church. You know when I'll be going. You understand me? It's like a professor. When you are talking to them, you say, I know this. I know I've gone to the moon. If you have even gone to the moon, it's nonsense. It's rubbish. You cannot know Christ. To know Christ is spirit to spirit. Und auch viele Leute denken, dass, dass durch dein Alter wirst du das Geistliche verstehen können. Weil du alt bist, graue Haare hast oder keine Ahnung was, oder in Rente bist, dann wirst du es verstehen können. Und deswegen versuchen dann Eltern ihren Kindern, können sich Eltern vor ihren Kindern nicht demütigen, wenn die Kinder zu ihnen predigen und die Kinder ihnen auch Jesus Christus offenbaren, weil sie dann denken, dass Christus zu kennen was mit dem Alter zu tun hat. Aber das ist egal, egal wie alt du bist, egal wie hast du schon gesehen, dass du schon auf dem Mond warst und auch wieder zurück. Das wird dir nichts bringen, wenn es um Jesus Christus geht. Da geht es um den Geist und nicht um das fleischliche Wissen, nicht um das fleischliche Alter. Et une autre chose, c'est même l'âge. Il y a aussi beaucoup de parents, beaucoup des gens qui disent que une jeune fille ou bien un jeune homme ne peut pas apprendre l'Éternel ou bien Jésus-Christ aux plus âgés, par exemple. C'est quelque chose qui est vraiment faux parce qu'il s'agit de l'esprit, il ne s'agit pas de l'âge. Parce qu'il y a des mères qui disent que oui, c'est moi qui n'arrive pas à se soumettre, qui disent que c'est moi qui t'a mis au monde. Tu sais, quand est-ce que moi j'ai commencé avec la relation avec l'Éternel, tu n'étais même pas encore né, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la vérité, il s'agit de l'esprit. Et si tu n'es pas capable de comprendre l'esprit, là, tu commences à considérer l'âge, ça fait voir que tu n'es même pas spirituel. Praise the Lord. Amen. You know, it's not like religious world. Religious world is with five senses. That's why you can understand Islam. You can understand it without, you don't need the Holy Spirit to understand Islam. Mm. You don't really need the Holy Spirit to understand all these different religions. Mm. But you will need the power of the Holy Ghost to understand Christ. Amen. Du brauchst nicht die Kraft des Heiligen Geistes, um den Islam zu verstehen oder um irgendeine Religion zu verstehen, aber um das Königreich von Christus zu verstehen, dafür brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen ist auch Religion von Menschen gemacht und für Menschen, für den menschlichen Verstand natürlich angepasst. Aber das Königreich von Christus, das kommt von ihm und dafür brauchst du ihn, um es zu erkennen. Et c'est pour cela les gens confondent aussi la religion et le royaume des cieux. La religion, c'est une religion qui est fait de l'homme pour être pour les autres hommes. Donc c'est dans la religion, on est capable de le comprendre parce qu'on n'a même pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre la religion. C'est pour cela qu'on peut comprendre le christianisme, les musulmans, on peut tout comprendre. Mais le royaume des cieux, tu peux seulement le comprendre si tu as le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau parce que c'est quelque chose de spirituel. C'est esprit par esprit et pas chair par esprit. C'est pas charnel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then in verse 13, it says, how when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will teach you things to come. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Without Christ himself, you cannot know Christ. Ohne Christus selbst kannst du Christus nicht erkennen. Verset 13 nous fait voir que sans Jésus, sans le Christ lui-même, on ne peut pas reconnaître le Christ. Amen. Amen. Then if you go to Matthew 11. Si vous regardez Matthieu 11, on le lit. Verse 27. He says, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. You get it there. Except the Lord reveal himself to you, you cannot know him. You don't need a Muhammad to reveal himself to you. You know him. Just human being like. You understand me? A religion, you don't need them to reveal anything to you. But Christ, as he said, except he himself reveal himself to you, you cannot know him. You need the revelation to come to Christ. Du brauchst eine Offenbarung, um zu Christus zu kommen. Du brauchst aber keine Offenbarung, um zu Mohammed oder Religion zu kommen. Aber für Christus, das, da brauchst du diesen geistlichen Zugang von Christus, um Christus zu erkennen. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne peut connaître le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaîtrait le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui qui le Fils a voulu révéler. Donc ça signifie que pour connaître le Père et le Fils, tu as besoin de la révélation. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly system must be studied. Das himmlische System muss studiert werden. Le système du royaume des cieux doit être étudié. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You must be rooted in it. Tu musst darin verwurzelt sein. Tu dois vraiment être raciné dans le royaume des cieux. It must become your lifestyle. Es muss dein Lebensstil werden. Ça doit devenir ton mode de vie. Just like the system of this world is now your was your lifestyle, the system of the kingdom of heaven must become your lifestyle. Genauso wie das System dieser Welt einst dein it was once your lifestyle, the system of this world. Tout comme le royaume de ce monde a été une fois ton mode de vie, et maintenant le royaume des cieux, maintenant ça va devenir ton mode de vie. Amen. Amen. You know, before this time, no one will tell you how to steal, how to lie, how to hide it. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. You can see that that system, you know, you were so rooted in it. But now the Lord has brought you out of it. Amen. Have bought with the heavenly Amen. Price. Amen. You are no longer there. Amen. That very place is dead and buried. That is why if even you make mistake to go there, you no longer enjoy it. Amen. Somebody getting it. Und niemand musste dir beibringen, wie man klaut oder wie man lügt oder wie man Sachen vertuscht. Das kanntest du einfach. Das hat einfach zu deinem Leben gehört oder wie man selbstsüchtig ist oder wie man selbstverliebt ist. Das hat dir niemand beibringen. Das konntest du einfach. Aber jetzt, selbst wenn wir manchmal Ausrutsche haben und dann da reinfallen, merken wir, das ist nicht mehr unsere Schuhgröße. Das passt nicht mehr. Das ist nicht mehr unser Lebensstil. Und deswegen sind wir dann auch schnell wieder da raus. Tout comme dans ce monde ici, il y a personne qui t'a appris à mentir ou bien à faire des histoires ou bien à voler. On a fait seulement comme ça, on a appris ça, c'était vraiment raciné en nous qu'on mentait comme si on buvait de l'eau. Mais maintenant, l'Éternel nous a rachetés, nous appartenons maintenant à lui-même. Et c'est lui qui nous apprend maintenant à vivre sa vie, sa propre vie. Praise the Lord. Hallelujah. God kind of faith is different from the natural faith. Gottes Glauben ist anders als der natürliche Glauben. La foi de l'Éternel c'est différent que la foi naturelle. There is the natural faith. There is God kind of faith. Amen. God kind of faith is coming from the Spirit. That is why it's called. It is one of the fruit of the Spirit. If you go to Galatians 5. Es gibt den natürlichen Glauben, es gibt Gottes Art von Glauben. Dieser Gottes Art von Glauben kommt vom Geist. Il y a la foi naturelle et la foi de l'Éternel. Celui de l'Éternel, ça vient de ton esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Because this faith is going to believe what is not normal. What the natural man will say is not normal. Weil dieser Glaube wird das glauben, was der natürliche Mensch nicht für normal hält. Et la foi de l'Éternel, ça va aider l'être humain à croire ce qui n'est pas normal ou bien ce qui n'est pas naturel pour le monde de ce monde. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. This faith is going to be a faith that you used to believe what you know what the five senses cannot see. Mit diesem Glauben wirst du an das glauben, was die fünf Sinne nicht sehen können. We call it lie. Die fünf Sinne werden es eine Lüge nennen. C'est une foi qui va t'aider à croire ce que les cinq sens ne voient pas. Donc c'est que les cinq sens va dire que ce sont des mensonges. La foi naturelle c'est la vérité de la foi naturelle en fait. Praise the Lord. In Galatians 5. Amen. Galatians 5 verse 22. On va lire. On va lire Galates 5, 22 Amen. À 23. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Amen. Amen. Gentleness, goodness, faith. Faith is one of the fruit of the Spirit. Glauben ist eine Frucht des Geistes. Mm. La foi, c'est un des fruits de l'Esprit. Jesus said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. His word is spirit. It's a container. Jesus in sagt, it, it has fruit. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist His und Leben. Word is a seed. Inside it is the fruit, which one of them is faith. Und sein Wort, that's why faith I'm coming. That's why faith comes by hearing the word. Are you getting it? Und sein Wort ist ein Behälter. In diesem Behälter sind all diese ist diese Frucht, weil in der Frucht ist ja der Samen. En fait, l'Éternel dit que ce que je vous dis, ce sont c'est vie et esprit, et c'est une c'est on va le semer cette sa parole, il est en train de le semer en nous, et ça amène des fruits, et un de ces fruits, c'est la foi. Deswegen sagt er auch, dass der Glauben durch das Hören kommt. Et c'est pour cela il dit aussi que la foi ça vient à travers l'écoute. Praise the Lord. And now everything, look at what is here, what you have done, we just read here. You know, love, joy, peace. All these, they are also the character of God. His character. Und all das ist, der it's so kind of love. It's so kind of joy. It's so kind of peace. Amen. Seine Liebe, seine Freude, sein Frieden, seine Langen, seine Freundlichkeit, sein alles. Et puis, et puis c'est pour cela il dit ici que les fruits de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéficité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc c'est sa propre manière des fruits. Amen. Faith is one of the son propre caractère. It's one of the fruit of Christ. It's son fruit. Glaube ist eine Frucht von Christus. La foi c'est un des fruits de l'esprit. Amen. It's different from what this world and religion call faith. Es ist anders als das, was diese Welt und Religion Glaube nennt. C'est différent de ce que ce monde et la religion appellent la foi. Religion have their faith. Religion hat ihren Glauben. La religion a sa propre foi. The faith to believe Christ is different. Der Glaube, um an Jesus Christus zu glauben, ist anders. La foi pour croire en Jésus-Christ, c'est différent. Amen. Let us go to Romans 5. Romains 5. On va lire Romains 5. It talks about God kind of faith. Là, il parle de Gottes Glauben. Là, il parle de la manière de la foi de l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Faith qualifies us. Glauben qualifiziert uns. C'est la foi qui nous qualifie. Christ is our faith. Christ He is qualifies you. Amen. Er qualifiziert not your beauty, not your degree. Jésus-Christ est notre foi et c'est lui qui nous qualifie. That's why through faith you have everything. Deswegen durch Glauben hast du alles. Faith is your qualification. Der Glaube ist eine Qualifikation. La foi c'est une qualification et c'est pour cela à travers la foi en lui on a tout. You know, you go to university to study and have certificate to qualify you for certain job or whatever. But in Christ's world, those certificates are irrelevant. Amen. Amen. It's what qualifies you because He is the position. Any position you are going to be is coming from Him. Amen. It's no longer coming from your the natural qualification. Amen. The natural qualification work for those that are outside. But you, your qualification is faith. That is believing Christ. Die natürliche Qualifikation, die du dir aus Uni und Arbeit und sonstigen ziehen kannst, die funktioniert für die Menschen dieser Welt. Aber die Qualifikation des Herrn, die der Glauben ist, die funktioniert nur für seine Kinder. Und das ist das, was uns weiterbringt. Et on va voir que dans ce monde ici, tu peux avoir les différents travails, mais tu dois partir à l'université pour avoir une qualification de ce monde. Mais la qualification de l'Éternel, c'est lui-même qui nous le donne. Et ça fonctionne seulement pour ses enfants. Ça signifie que les qualifications de ce monde, ça ne fonctionne pas pour ses enfants. C'est lui qui te qualifie. The only problem man was have having in the whole world is there was no peace between God and man. That was all. It's not Satan. It's not evil Satan. Satan is a loser. He has been defeated. But people don't have peace with Christ. Das einzige Problem, was diese Menschheit hat, ist, dass sie keinen Frieden hat mit Gott, keinen Frieden hat mit Christus. Der Teufel ist nicht das Problem, denn er ist besiegt und zerstört. Aber das Problem ist eben nicht Frieden zu haben mit Gott, mit Jesus Christus. Le seul problème que l'être humain a eu avec l'Éternel, c'était qu'il n'avait pas la paix. qu'il y avait une guerre entre l'être humain et le royaume des cieux. C'était même pas le diable qui n'était même pas le problème, c'était seulement la paix. Et c'est tout, et tout comme aujourd'hui, c'est toujours, c'est le même problème, que l'être humain ne veut pas toujours avoir la paix avec l'Éternel. Look at verse 1. Romains 5, 1. He said, therefore, being justified by faith, faith qualifies us. Le glaube qualifie. We have peace because of faith. Mm. Faith qualifies us to now have peace with God. Amen. Glauben qualifiziert uns, Frieden zu haben mit Gott. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la foi qui nous qualifie à avoir cette paix. Christ is our faith. Amen. Through him we have peace with God. C'est unser Glaube, durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Jésus-Christ, il est notre foi, et à travers lui, on a notre paix avec l'Éternel, avec Dieu. Then in verse 2 says, by whom also, that's Christ, talking about Christ. Verset 2. It's talking about faith. Amen. Amen. Your faith and Christ, they are one, they are not two. Dein Glaube und Christus sind eins, nicht zwei. Ta foi et Jésus-Christ sont une personne, ce ne sont pas deux personnes. He said, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Verse 3. And not only so, but we glory in tribulations also. In tribulation, it's not when there is bread and butter. Mm. When things are moving on, you glory, you rejoice, even when nothing is working. Mm. Everything mm. going from fry pan to fire. Auch wenn es you know, fry pan schlechter fire. Wird. Auch wenn die Situation schlimmer und schlimmer wird, freuen wir uns dennoch. Et ça nous fait voir ici que même si nous sommes avant les tribulations, nous on a toujours la foi. On se réjouit toujours parce qu'on a l'Éternel à nos côtés. Félix says he don't know what is fry. This is fry pan. You know what is fry pan? Bread pan. So fry pan. You put it on top of cooker. The cooker is the fire. The bread pan is the fry pan. Things are going from here to here to the bread pan to the fire. You understand? It's supposed to be here. And be going up, but it's coming down. If nothing is working, okay. Your joy should be overflow. Amen. Because it is there you can also even depend on him. Amen. I don't know if you get it. Yeah. But you know, if day is going to be done, things get the day that get darker. Mm. Amen. If until at the 99 hour, you can never. You know, so many of us, when the fire is so hot, it's then we give up. It's then we are now in panic. It's then we are unable to stand. Then you should even rejoice there. The Father, I cannot see. That is you alone. Und selbst wenn die Situation schlimmer und schlimmer ist, sollen wir dennoch glauben und vertrauen. Und einige von uns geben aber leider genau dann auf, wenn es schlimmer wird, obwohl das ja eigentlich sogar auch oft der Durchbruch ist, ne? Weil genauso wie es in der Nacht am dunkelsten ist, wenn der Tag gleich anbricht, genauso ist es auch in einigen Situationen, dass umso schlimmer es dann wird, umso näher ist einfach dieser geistliche Durchbruch. Und deswegen sollen wir einfach vertrauen und standhaft bleiben und dem Herrn vertrauen, dass er weiß, was er tut und dass er wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Et tout comme avec l'Éternel, on doit savoir que quelquefois on a une tribulation, nous sommes dans un moment très difficile, et il y a les enfants de Dieu dans ce moment-là, ils sont en train d'abandonner, ils arrêtent et puis ils lâchent l'Éternel. Mais on doit savoir, on doit comprendre que quelquefois c'est vraiment ça, c'est dans ce moment-là qu'on doit encore tenir plus fort à l'Éternel, parce que c'est tout comme dans la nuit, quand il fait très sombre là, c'est à travers quand tu vois qu'il fait très sombre, c'est là que à la prochaine des prochaines heures que le soleil va encore se lever. Et c'est comme ça aussi avec nous, on doit comprendre qu'on doit vraiment bien tenir à l'Éternel, même si c'est la tribulation devient fort, et surtout quand la tribulation devient fort. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And if we continue here, and he said, in verse 4, And patient experience, and experience hope. Verset 4. And hope maketh not ashamed. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, Amen. Which is given unto us. You know, in hope, the natural hope, you will be ashamed. Yeah, but what kind of hope? You are never ashamed because of the Holy Spirit. Amen. Are you getting it? Amen. Die natürliche Hoffnung hat ein Verfallsdatum. Irgendwann wirst du dich schämen und dich verstecken. Aber as time goes on, you are going to be ashamed. Die Hoffnung von Christus auf ewig. Quand on lit verset 5, on comprend que il y a l'espérance de ce monde, l'espoir et l'espérance de ce monde. Quelquefois, ça ne dure pas longtemps, mais l'espérance de l'éternel, ça, c'est pour toujours parce que il y a le Saint-Esprit qui travaille à travers ça. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6 said, well, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man, some will even dare to die. Verse 8, but God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, verse 8. Christ died for us. Verse 9. Verse 9. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. That is the payment. Die Bezahlung. Der Payment. Praise the Lord. Hallelujah. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. I hope you understand it. Let me leave there. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. A faith on the finished work of Christ. Glaube an das fertige Werk von Christus. Donc avoir la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus Christ. Amen. And this faith does not require your fasting and begging. Dieser Glaube fordert nicht dein Fasten. Et cette foi, pour avoir cette foi, tu n'as même pas besoin de faire des jeûnes de prière, Amen. Ou bien de pleurer et prier comme je sais pas quoi. Amen. The faith to have victory, the faith to bring things from the spiritual world to the physical world does not require your fasting and your begging. Amen. Because why am I saying begging? What people call prayer is always begging. Der Glaube, um eine Sache aus der geistigen Welt ins Physische zu bringen, erfordert nicht dein Fasten und dein Betteln. Ich sage ganz besonders Betteln, weil viele Leute im Gebet betteln. Avoir la foi à l'accomplissement de l'Éternel, l'œuvre accomplie de l'Éternel de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de faire des jeûnes et de prier comme ce monde, de pleurer comme ce monde, parce que la prière de ce monde, c'est toujours avec... Ils sont en train de supplier l'Éternel. Praise the Lord. Amen. The faith to believe you are saved does not require your fasting. You did not fast before you became born again. Und genauso auch der Glaube, den du gebraucht hast, um wiedergeboren zu werden, hat auch nicht dein Fasten gebraucht, weil du hast nicht vorher gefastet, bevor du wiedergeboren wurdest. Même pour être sauvé, pour avoir ton salut, tu n'as pas dû faire une tu n'as pas fait du supplier ou bien mendier à l'Éternel ou bien faire un jeûne. Tu n'as pas fait et tu as seulement cru et c'est comme ça aussi que tu dois croire au reste. You don't need any fasting and begging to have what this world calls victory. Du brauchst kein Fasten und Betteln, um das zu bekommen, was diese Welt Erfolg nennt. Tu n'as pas besoin de jeûne et de mendier pour avoir ce que ce monde ici appelle victoire. Praise the Lord. Hallelujah. Because that's the biggest, you know, problem that people have today, to have what people call victory. Mm-hmm. amen, to marry, to have children, to have money, to pay bills, amen, to have a good job, to go to university, to go to ULO, to have a good husband, a good wife, good children, everything is moving. Well, that is what they call victory. You don't need any fasting and begging to get them. Once it comes to Christ's word, they are geschenk, they are gifts. Denn das sind die Dinge, wonach die Leute heute streben, selbst Kinder Gottes streben nach einem guten Job, einer funktionierenden Ehe, Kinder, einem vernünftigen Gehalt, mit dem man immer schön in Urlaub fahren kann. All diese weltlichen Dinge, danach streben leider auch Kinder Gottes. Und, aber dafür müssen wir nicht fasten und betteln, sondern das ist alles einfach ein Geschenk. Das wird uns hinterherjagen und nicht umgekehrt. Même les enfants de ce monde, les enfants de Dieu sont en train de chercher aussi ce que ce monde appelle victoire, donc avoir se marier, avoir des enfants, avoir des titres, d'un bon travail et n'importe quoi. Et ça, là, dans le royaume des cieux, c'est quelque chose qui nous a été donné. C'est un cadeau. On ne doit pas prier ou bien mendier ou bien faire des jeûnes pour ça, pour l'avoir. I'm not saying fasting will not make you slim down. It can help you to slim down. But not getting anything from Christ. Mm-hmm. Ich sage nicht, dass das Fasten kein Ergebnis bringt. Es bringt das Ergebnis, dass du vielleicht abnimmst. Aber es bringt keine Ergebnisse in der geistlichen Welt, wenn es um Christus geht und sein fertiges Werk. Pour jeûner, la seule chose que un jeûne de prière va vous emporter, c'est par exemple d'avoir une taille plus mince, mais ça ne sera pas d'obtenir quelque chose de l'Éternel. There is no other sacrifice anymore. Amen. The sacrifice of Christ is enough. Amen. Amen. Es gibt kein weiteres Opfer mehr. Das Opfer von Jesus Christus war genug. Genug. Mm-hmm. Amen. Il n'y a pas un autre sacrifice, en fait. Le seul sacrifice, c'était le sacrifice de l'Éternel, de Jésus-Christ. Et ça, ça nous suffit, en fait. It's Jesus plus nothing that is everything. Mm-hmm. Jesus plus your sacrifice is nothing. Mm-hmm. Jesus plus nichts ist alles. Jesus plus dein Opfer ist nichtig. On doit comprendre que Jésus, si tu l'ajoutes avec rien, c'est un sacrifice qui est vraiment valable. Mais quand tu ajoutes Jésus-Christ avec ton propre sacrifice, ça sert à rien. If you look at it, even from day one, it has been about relationship. God created us for relationship. Von Tag 1 an ging es immer um Beziehung. Der Herr wollte einfach Beziehung mit uns haben. Depuis le premier jour, l'Éternel voulait toujours avoir une relation avec nous. It's like a parents and their baby relationship. You get it. The baby don't need to fast to say, "Father, you give me for the bottle today. Let me fast and pray, I beg." You know, you don't need it. The father, a good father, know how to take care of that child. Genauso wie eine Beziehung zwischen einem Kind und einem Vater, einem Baby. Ein Kind, das Baby wird nicht betteln und fasten müssen, damit es gefüttert wird oder damit es gekleidet wird oder damit es Liebe bekommt. Das wird einfach automatisch kommen, weil in Beziehung sind diese Dinge vorprogrammiert. Donc l'Éternel veut seulement une relation avec nous. Donc un petit enfant ne va pas commencer à faire des jeûnes ou bien à mendier à son père quand il est né d'avoir par exemple du lait pour boire, pour manger. Et c'est comme ça aussi avec l'Éternel. On n'a pas besoin de le faire parce que nous sommes ses enfants. Praise the Lord. The Lord knows the time more than you. Der Herr kennt die Zeit besser als du. L'Éternel connaît le temps plus que toi. Amen. He knows you more than you. Er kennt dich besser als du dich kennst. Il te connaît mieux que toi-même, tu te connais. He knows what you are going through more than you know what you are even going through. Und er ist sich noch mehr im Klaren über deine Situation und das, was du durchmachst, als du es überhaupt bist. Il connaît ta situation même plus que toi-même, tu peux le connaître en fait. Amen. You know, people will want to fast and pray. Let us fast and pray, fast and fast, so that we give, you know, so that a level, just a 2 years old child, we get married. I don't know if you are getting it. Leute träumen, Leute zusammen, dass sie zusammen beten. Your father knows when it's time for you tomorrow. Ja, Leute wollen Leute zusammen trommeln, und damit sie gemeinsam mit ihm beten und Gott dazu bringen, ihm eine Ehe zu geben. 2 years old child. Im Geistlichen könnte man sagen, das sieht so aus, als ob man darum bettelt, dass ein zweijähriges Kind heiratet. No, und das ist halt unverantwortlich für den Vater, sowas zuzulassen. Et c'est aussi comme ça. c'est aussi comme ça avec, avec ce monde quand, par exemple, ils veulent avoir, ils veulent se marier, ils sont en train d'appeler les tantes, les papas, les mamans, pour tout le monde qui doit se rassembler pour prier, en fait, chercher de trouver un homme pour la fille ou bien pour le garçon. C'est comme, c'est vraiment quelque chose que... qui n'est pas, c'est irresponsable. C'est comme si tu demandais à un enfant de 2 ans de se marier, en fait. You know, a responsible father will not give you a serpent when you are asking for, you know, will not give. You are giving, you are asking for a bread, or you are, then you give you a serpent. But he can see serpent, but you are saying bread. Mm. For you, it's all about bread. Mm. For you, it's all about egg. You don't know what you are begging, what you are telling him to give you. Ein verantwortungsvoller Vater, ein Vater, der liebt, wird seinen Kindern kein Brötchen geben, worin eine Spinne ist, oder ein Brötchen geben, wo drin eine Ratte drin versteckt ist, sondern er wird sagen, nee, das kriegst du nicht, das ist gefährlich, das will ich nicht für dich. Un papa, ou bien des parents qui sont vraiment, qui sont responsables, vont jamais donner à leur enfant un pain où il y a dedans, il y a pas, quelque chose de bon, mais il y a, par exemple, un serpent dedans. Il va pas te donner ça parce que il est un père responsable. Mais nous, les enfants, on voit seulement le pain, on dit waouh, on veut le pain, sans savoir que dedans il y a quelque chose qui peut nous tuer. You keep on having a relationship with him. He knows the time for winter, he will buy you the jacket. He will know the time for summer, he will buy you the slippers. Or whatever you need at that particular time. Amen. We go to Daniel. Yeah. Amen. Dein Vater kennt die Jahreszeiten. Er weiß, was für jede Jahreszeit wichtig ist. Er wird dich einkleiden, damit du, damit es nicht zu heiß ist, zu kalt ist. Notre père, on doit lui faire confiance. Il connaît toutes nos saisons, par exemple. Il sait que quand il fait froid, que c'est l'hiver, il va t'acheter une jaquette. Quand il fait chaud, il va t'acheter des sandales, des histoires comme ça. Ça, notre père, il le connaît. On doit lui faire confiance. On va lire Daniel 3. Praise the Lord. Amen. Susie, I will see you later. Daniel 3. Praise the Lord. Amen. Daniel 3. Amen. Amen. From verse 12. Daniel 3, verset 12. Amen. You know, if you look at these three people, they never fast, they never beg. Sie haben nicht gefastet und sie haben auch nicht gebettelt. Si tu vois les trois garçons ici, ils n'ont jamais fait des jeûnes et ils n'ont jamais mendié. They were facing a very big problem. Sie hatten ein sehr großes Problem vor Augen. Ils avaient en égard d'eux, il y avait un grand problème, une situation vraiment horrible. Praise the Lord. Alleluia. What you and me, we will prefer the problem we are facing now to what they are facing here. Und die Leute hatten so krasse Probleme, aber wir versuchen ihre Probleme unseren gleich zu machen oder uns gleichzusetzen, wo man die gar nicht vergleichen kann. Ils étaient dans une situation vraiment misérable. Nous, aujourd'hui, on voudrait même pas changer nos problèmes avec leurs problèmes qu'ils avaient. Praise the Lord. Alléluia. You know, there was no... These people were so much in faith. Diese Leute waren so im Glauben. Eux, ils avaient vraiment la foi en eux. Faith means relationship. Glaube heißt Beziehung. Amen. La foi, ça signifie avoir une relation. Amen. Amen. They were so much one with the true God. Die waren so eins mit dem wahrhaftigen Gott. Ils étaient vraiment un avec le seul vrai bon Dieu. Are you getting it? That they were not, you know, it's like Jesus said in Luke 14. He said you have to hate all. They just hate all. Die haben alles gehasst. And they were full. It was all about He, that is God himself. Ihn nur um ihn. Is that are you in that position today? Aber sind in dieser Position? Tu vois vraiment que eux ils étaient vraiment concentrés à l'Éternel. Ils voyaient que l'Éternel, ils avaient détesté le soi ou bien ne voyaient même pas l'extérieur. Mais est-ce que toi tu es dans une position pareille? Amen. Amen. You know, some of us, even if this sucks, if things that are not even half, one tenth of this is happening today, we will be fasting and praying and speaking in tongues millions of times. Are you getting it? Look at what happened here. Very interesting. You can see how people fully depend on the Lord and they don't care. They never care. If even bills are piling up, it's not their business. Their father should pack the shit. Not you. Und genau, und einige von uns, wir haben nur ein Zehntel von dieser Situation in unserem Leben vielleicht, und wir sind schon am Boden zerstört und fasten und beten, bis uns die Zunge fast abfällt und bis uns, keine Ahnung, was austrocknet. Aber diese Leute, die haben einfach vertraut, weil sie Beziehung hatten mit dem Herrn. Und sie haben vertraut, dass, ey, nicht ich mache diesen Mist weg, sondern es ist der Herr, der für verantwortlich ist, weil er einfach die Verantwortung über mich hat. On va voir que quelques d'entre nous, quelques d'entre nous peuvent aussi avoir un problème qui n'est même pas grave comme leur problème ici, un quart de ces problèmes, et on va commencer à prier, à faire des jeûnes, et on va parler en langue du matin au soir, et on va pleurer, on va mendier, mais eux, ils avaient un problème plus grand, et ils ont seulement fait confiance à l'Éternel, ils ont eu une relation, et ils ont dit que, bon, c'est pas leur problème parce que c'est leur père qui va prendre soin d'eux et c'est lui qui doit se débarrasser de ses problèmes. Mais nous, on n'a même pas un problème si grand comme eux et on arrive, quelquefois, on n'arrive même pas à faire confiance à l'Éternel. You know, we want to say we are in faith. Are we really in faith? Wir wollen behaupten, dass wir im Glauben sind, aber sind wir wirklich im Glauben? Quelquefois, on dit qu'on a, nous sommes vraiment dans la foi, mais est-ce qu'on est vraiment réellement dans la foi? You know, we thank him that we are saved. Do you thank him that he has paid all the bills? Wir danken ihm, dass wir errettet sind, aber because you are the one, you believe you are the one going to pay them. Dass er alle Rechnungen bezahlt hat. Das tun wir nicht, weil wir denken, dass wir die Rechnungen bezahlen müssen. Amen. Quelquefois, on dit qu'on lui remercie pour notre salut, remercie, oui, qu'on est né de nouveau, mais est-ce qu'on lui remercie qu'il a déjà payé nos dettes? Mais non, on ne le fait pas parce que nous, on pense toujours que c'est nous qui doivent le faire. You know what these people we are facing? If you are only 1 million upon million, it's better than what these people are even facing. Yeah. Are you getting it? Wenn wir uns die Situation dieser Leute anschauen, dann ist es besser, verschuldet zu sein bis auf die Knochen, als in so einer Situation zu stehen, wo es wirklich um Leben und Tod geht. La situation des trois garçons et hébreux, si on le voit vraiment, c'est même mieux, c'est notre situation, c'était très grave. Donc ça signifie que même si tu as une dette de 1 million, bien de 2 millions, de 10 millions, c'est toujours mieux qu'être dans une situation pareille. You know, we always say, you know, we can say thank you for saving me. Thank you, I'm safe. But you know, have you ever said, you know, thank you that all bills you are the one that paid it? Have you ever said it? Have you ever prayed and just danced to his glory and said, thank you, you fix everything? You are not only saved, he did everything for you. Everything. Wir glauben, dass wir errettet sind und preisen und danken ihm auch und tanzen auch in seinem Namen dafür. But if I say if you are not only saved, your name is not only written in heaven. He did everything he has for you already. Amen. Danken wir ihn auch mit dieser gleichen Ausdauer, mit dieser gleichen Kraft dafür, dass er all unsere Rechnungen bezahlt hat, dass er uns ein Dach, also dass er unser Dach über dem Kopf ist, dass er unser Versorger ist. Vertrauen wir ihm auch unsere Versorgung an, genauso wie wir ihm unsere Errettung anvertraut haben. Est-ce qu'on lui fait vraiment confiance? On lui fait vraiment confiance qu'il a déjà tout payé, qu'il a déjà tout fait, parce que en effet, il n'a pas seulement donné sa vie pour nous, il a déjà tout accompli ici aussi sur terre, pas seulement là-bas au royaume des cieux, ici aussi. Mais est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on lui croit vraiment? Parce que si on lui croyait vraiment pour ça, on allait se réjouir, on allait danser, lui remercier qu'il a déjà tout payé. If you put something here, please, Daniel 3, then you quickly go to Colossians 2, verse 6. On va lire, on va retourner sur Daniel 3 après, mais on va d'abord lire Colossiens 6. He said, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. Colossians 2, 6. As you received, as you therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. As you receive him, that is how you walk in him. You believe that he paid the price of your sin. Then he did not pay the price of your bill. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ, Jésus Christ est Seigneur, marchez en lui. Donc vous devrez aussi croire qu'il a tout. Quand vous marchez en lui, ça signifie que vous ne croyez pas seulement qu'il vous a, que vous l'avez comme Seigneur et Sauveur, mais vous croyez aussi qu'il a déjà tout payé, tout résolu les problèmes. Which of the, you know, that you are saved that and your bills to be paid, which is more easier. Dass du errettet bist und aus einer Rechnung bezahlt und was ist einfacher, Rechnungen zu bezahlen oder Sünden zu vergeben? Sünden zu vergeben, wiedergeboren zu sein. Ja, also was ist einfacher, deine Sünde zu vergeben oder eine Rechnung zu bezahlen? Okay. Qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui est plus Your name to be written in heaven. That's my design. Your name to be written, they are the same. Same, okay. Yeah, your name to be written in heaven and to pay your bills. Okay. En fait, qu'est-ce qui est plus facile? Le fait que tes problèmes ont été résolus ou bien que tu es né de nouveau. Qu'est-ce qui est plus facile de le faire, Amen. De l'accomplir? Amen. For somebody to make sure your name is written in heaven and for somebody to make sure you pay your bills. Which of the two is more easy? Es ist einfach, dass der Name im Himmel geschrieben steht oder dass seine Rechnungen bezahlt werden von dieser Person. Qu'est-ce qui est vraiment plus facile? Que quelqu'un est vraiment sûr qu'il a payé toutes tes dettes ou bien qu'il est sûr qu'il a déjà qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie au royaume des cieux. Anybody can pay bills. Jeder kann Rechnungen bezahlen. La chose est que toute personne, chaque personne est capable de payer de résoudre tes problèmes ou bien de payer tes dettes. Are you getting it? Yeah. But for your name to be written in heaven, take Christ Jesus. Damit dein Name im Himmel geschrieben steht, dafür braucht es das Blut von Jesus. Mais pour que ton nom puisse être écrit dans le royaume des cieux, dans le livre de vie, ça, tu as vraiment besoin de Jésus-Christ lui-même, la personne qui peut t'aider à le faire. And it's funny how we see that it is more easier for your name to be written in heaven than to pay bills. Mm-hmm. That's how we see it. Das ist komisch. The right opposite. Dass wir es so sehen, als ob Rechnung bezahlen schwieriger ist, als dass dein Name im Buch des Lebens steht. Et c'est vraiment, et c'est pour cela, c'est vraiment un peu bizarre que nous, les enfants de Dieu, quelquefois, on croit ou bien on est vraiment, on a une certitude que notre nom est écrit dans le livre de vie au royaume des cieux, mais on ne croit pas qu'il a déjà payé nos dettes ou bien il a résolu nos problèmes. You know, bills are piling up, we are so much afraid. Just like the fire was getting hotter here. Haben wir Angst? Genauso wie das Feuer hier immer heiß und heißer wurde. Quand les factures deviennent encore tout gros ou bien on ne sait pas comment payer les dettes, là on a peur. Tout comme les trois garçons hébreux où le feu devenait toujours encore plus chaud. Oh, the doctor said there's no way. Oder wenn der Arzt sagt, es gibt keinen Weg mehr, es gibt keine Hoffnung mehr, alle Hilfe ist verloren. Ou quand le docteur dit que il y a plus d'espoir, vous allez sûrement mourir, il y a plus rien à faire. Somebody get in it. Amen. Nothing to hope for. Nichts, worauf man hoffen kann. Il y a rien, tu ne peux avoir, tu n'as pas d'espoir. You still have your father. Du hast immer noch deinen Vater. Mais tu as toujours ton père. Who promised you I will not leave you, I will not forsake you. Der versprochen hat, dass dich nicht verlassen Except wird. To call him a liar. Es sei denn, du nennst ihn einen Lügner. Tu as toujours ton père qui t'a promis qu'il va pas t'abandonner, sauf si tu lui appelles un menteur. But if you are busy paying it, he cannot pay it. Aber wenn du damit beschäftigt bist, es zu bezahlen, kann es nicht bezahlen. Mais si toi, tu es vraiment occupé à payer tes dettes ou bien à payer n'importe quel prix, lui, il ne peut pas le faire. Two people cannot pay one price. Denn zwei Leute können nicht einen Preis bezahlen. Parce que deux personnes ne peuvent pas payer le même prix. It's either you believe he's the one paying it or you believe you are the one paying it. Entweder glaubst du, dass es gezahlt hat oder du glaubst, du musst es noch zahlen. Deux personnes ne peuvent pas payer la même dette. Ou c'est lui qui le paye ou bien c'est toi qui le paye. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. All he wants from you is just believe me. Alles, was von uns will, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. La seule chose que notre Père s'y attend de nous, c'est de lui faire confiance et de lui croire. Look at these three boys. Schaut euch diese drei Jungs an. On va regarder ces trois garçons ici, Daniel 3, verset 12. Amen. Brother Shadrach, Brother Meshach and Brother Abednego. They are our family. Bruder Shadrach, Bruder Meshach und Bruder Abednego. Le frère Sidrach, Misach et Abednego, ce sont nos Abednego, ce sont nos frères. Verset 12. Verset 12. He said, there are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach and Abednego. These men, O God, have not regarded thee. They serve not your gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Praise the Lord. Hallelujah. For them is not a, the system of this world is dead and buried. Das System dieser Welt ist für sie tot und begraben. Pour eux, dans verset 12, on voit ici que le système de ce monde était vraiment mort. Donc ils ont enterré le système de ce monde. I know how to get boyfriends in this system, in this world. I know how to get somebody to marry in this world, but it's dead and buried. Ich weiß, wie man in dieser Welt heiratet oder wie man sich einen Freund oder eine Freundin angelt, aber das ist für mich tot und begraben, dieses System. C'était comme s'il disait, je sais comment avoir une femme ou un homme à travers le système de ce monde, mais ce système de ce monde, ça m'intéresse pas. C'est vraiment mort et c'est enterré pour moi. The system of this world is paying bills upon bills upon bills. There's no rest. Das System dieser Welt ist Schulden, that system zahlen, is dead and buried. Und das ist keine Ruhe. Aber dieses System ist tot und begraben für mich. Le système de ce monde, c'est de payer des dettes ou bien tu as toujours des factures, ça vient, ça ne part jamais en fait. Mais ce système pour moi, c'est mort et c'est enterré. Ça n'existe pas pour moi. You know, we even want to say that our system now is more difficult than theirs. Here. You can see it. He said, no, worship the golden image which thou hast set up. You know, there's no doubt you will own here that they will even put you in fire. Mm-hmm. They will burn you with fire. Are you getting it? Mm-hmm. Pata pata, they will put your name in Shufa. praise the Lord. if you want to do anything, Shufa will not qualify you. But you have Christ that keep on qualifying you. Amen. Are you getting it? And, wie gesagt, man versucht seine Situation da zu vergleichen, aber man kann auch nicht mal das vergleichen, weil die Situation damals, also heutzutage niemand, egal wie viele Schulden du hast, niemand wird dich in einen Feuerofen stecken. Du wirst, wenn dann bei der Schufa stehen und dann vielleicht für ein paar Sachen nicht qualifiziert sein. Aber der Herr ist eine Qualifikation, deswegen ist selbst das halt eine, also kein Problem. Also deswegen kann man es gar nicht vergleichen, sozusagen. Quelquefois, on essaye de comparer notre situation qu'on a avec la situation des trois garçons hébreux ici, comme qu'on lit ici, mais c'est vraiment une situation qu'on peut pas, on peut pas comparer parce que nous, aujourd'hui, si on dit qu'on veut pas payer nos dettes, on va pas nous dire, on va pas nous tuer, on va pas nous mettre dans un feu pour nous brûler. Ici, on va te mettre, on va te dire que tu n'es plus capable à prendre des crédits ou des histoires comme ça, mais on va pas te tuer quand même. Praise the Lord. Amen. You know. praise the Lord. Hallelujah. You know, here, there's no debt. You know, I heard that in America that once you are owed debt, they put you in prison, then they will cancel the debt. I said, that is very easy. Why don't you just eat everything, then go there and rest the cupboard? Praise the Lord. Let us allow Christ to be our qualification. Amen. Ja, ich habe gehört, dass in Amerika ist es so, dass wenn du so viele krasse Schulden hast, dann wirst du halt ins Gefängnis getan und musst deine Strafe absitzen und dann sind deine Schulden beglichen. Aber das ist natürlich doch eigentlich ganz easy. Und dann genießt dein Leben und danach gehst du halt ins Gefängnis und kommst irgendwann wieder raus. Alles cool. Par exemple, j'ai écouté dire qu'en Amérique, par exemple, quand tu as des dettes et tu ne sais pas comment les payer, on va te mettre au cachot, en prison. On va te mettre en prison et jusqu'à ce que tu vas finir, le temps que tu vas rester là-bas, c'est le temps de payer les dettes. Donc, tu vas rester là-bas, tu n'as rien à faire. Et puis, quand tu vas sortir de la prison, tes dettes sont payées, en fait. Donc, genre, tu n'as plus de dettes. You know, for ça sera plus facile pour nous. For these three Hebrew boys, for them, the system of the world was dead and buried. Mm. You can see. Diese drei hebräischen Jungs war das System dieser Welt tot und begraben. Pour ces trois garçons ici, le système de ce monde était vraiment mort et enterré. Verse 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Verse 14. Verset 14. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up. Are you getting something here? Mm-hmm. Verse 15. 15. Now, 15. If you be ready that at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst of the burning furnace. Who is that God that shall deliver you out of my hand? Praise the Lord. Halleluja. This man challenged God. Dieser Mann hat Gott sozusagen herausgefordert. Cet homme vraiment il a défié l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Verse 16. Then Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this manner. 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. Verse 18. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Nothing could threaten them. Keine Rechte, nichts. Ici, on voit que malgré le roi a défié l'Éternel, les trois garçons hébreux, ils étaient vraiment certains de leur Éternel, donc ils n'avaient même pas, ils étaient vraiment très, ils avaient la foi. Are you getting it? Mm-hmm. No, no, not even beasts could threaten them. No age. Today, age will threaten. Mm-hmm. Beasts will threaten. Time will threaten. The laughter of the people will threaten. Here, even the fire could not threaten them. Mm-hmm. Hier konnte selbst das Feuer ihnen keine Angst machen. Ici, on voit que les trois garçons hébreux ne s'inquiétaient pas, même le feu ne les inquiétait pas. Mm-hmm. What are you considering? Was erachtest du? Qu'est-ce que tu es en train de considérer, Amen. Toi? Amen. They refused to consider anything. Ihnen war alles egal. The true God. Mm-hmm. Außer der wahrhaftige Gott. Eux, ils ont rien considéré sauf le seul vrai bon Dieu. Are you getting it? Amen. You consider Christ alone. Amen. Du erachtest nur Christus. On doit apprendre à seulement considérer l'Éternel. Amen. Jésus-Christ. Amen. If he can give life, he can pay bills. Amen. Wenn Leben geben kann, kann auch schon Schulden begleichen. S'il peut donner la vie, il est aussi capable à résoudre tout n'importe quel problème que tu as. The bills are getting more and more. It's getting more and more. So what? Mm-hmm. So your Christ is getting bigger. Amen. Was soll's? Genauso wird Christus größer. Et tout comme il y a des gens, on se dit aujourd'hui, oui, mais mes factures sont en train de devenir encore plus, beaucoup et beaucoup. Il y a beaucoup des factures, je ne sais pas comment faire, mais qu'est-ce qui est le problème? Parce que comme tes factures sont en train de devenir aussi beaucoup, c'est de la même manière que notre éternel Jésus-Christ est en train de grandir aussi en toi. Donc tu dois encore avoir plus de foi. Amen. There was a time, you know, this was threatening us like hell. Amen. And I was, you know, the fear. Well, the Lord now said, he says, it means you are the one that have been paying the rest. That's why you are now afraid. If you believe I'm the one that have been paying it, then why are you afraid? If it was getting bigger, there is there the money I cannot pay. Amen. Are you getting und gerade mal eine Zeit, wo wir wirklich Hals über Kopf mit Rechnungen vollstanden und ich hatte wirklich Angst und echt Panik und hat der Herr mich auch gefragt, okay, hast du jetzt so viel Angst und Panik, weil du auch gedacht hast, dass du in der Vergangenheit immer wieder die Rechnung gezahlt hast, aber es jetzt nicht kannst oder vertraust du einfach mir, dass ich dein Versorger bin? Mm. Ja. Il y avait aussi un temps où nous on avait beaucoup de factures à payer, on savait pas comment le faire et on se faisait beaucoup de soucis et l'Éternel m'a dit mais stop, arrête, c'est quoi ce problème, c'est quoi le problème, parce que tu te fais des problèmes, tu te fais des soucis parce que tu ne crois pas que je suis capable à le résoudre, ou bien tu penses que toi-même tu peux le résoudre mieux que moi. Praise the Lord. You know, all in debt here and all in debt in Africa, they are two different things. Avoir des dettes ici en Europe et avoir des dettes en Afrique, ce sont deux choses différentes. Have you watched their drama when they are owing them debt, they are fighting them on the street? Amen. But here, no one will even know. You wear suits and just be enjoying ice cream, enjoying everything. Praise the Lord. Amen. Don't the people there, they are still enjoying. How much more you that is even. You better praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And, he allow him to be the only one you see. Stop seeing those things. The letterbox can be filled up. You are no letterbox. They are putting it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Take your eyes away from the flesh. Your meditating on them can never solve them. It is meditating. The Lord told us how to prosper, how to be a good source. Joshua 1. We go there later. Nimm deine Augen weg vom Fleisch, weil dein Fokus darauf zu setzen, wird es nicht auflösen, wird das Problem nicht wegmachen. Mhm. Und Nigeria ist es halt so, wenn du halt da verschuldet bist, die Leute sind hinter dir her. Jeder wird es auf der Straße wissen, dass du Probleme hast. Weil dein Vermieter wird deine Tür einbrechen und Leute werden schreien, rufen, keine Ahnung was. Aber hier, du bist bis auf die Knochen verschuldet und sitzt immer noch ein Extrablatt und isst deine Pizza. Und das, keiner weiß es, keiner merkt es. Nur dein Briefkasten ist falsch überfüllt, aber dir geht's gut sozusagen. Und wenn man halt mit der Mentalität halt sich denkt, okay, dass dieses Beispiel zwischen Afrika und Europa, wie viel mehr das Beispiel zwischen der Welt und Christus, ne, dass wir uns keine Sorgen machen müssen und dass wir einfach dann halt uns auf den Herrn verlassen sollen und nicht in Panik sein sollen. Par exemple, si on voit par exemple en Afrique, quand tu as des dettes, il y a quelqu'un qui va venir te combattre à la rue ou bien te frapper, des histoires comme ça. Mais ici en Europe, si on voit bien, il y a des gens qui ont des dettes, mais ils ont bien porté leur veste, ils partent se balader, il n'y a personne qui va le savoir qu'ils ont une dette. Et s'il y a une différence comme ça dans deux continents différents, à plus forte raison qu'on peut avoir cette... On peut avoir aussi cette différence avec le royaume des cieux, parce que nous, étant les enfants de Dieu dans le royaume des cieux, on peut aussi dire qu'on a des dettes, mais on n'a pas des dettes parce que c'est l'Éternel qui va le résoudre, c'est lui qui va le payer, et on doit apprendre à continuer à vivre notre vie comme si on n'a rien, parce qu'on n'a rien en effet, en effet. Et c'est comme ça qu'on doit considérer l'Éternel. Why am I comparing the two? Because the people there, they are still rejoicing and praising the Lord. I bet you that is here, you know, you are crying like as if you are just, you are crying as if. Are you getting it? Und wieso vergleiche ich diese beiden Situationen zwischen Nigeria und Deutschland? Weil diese Leute in Nigeria, obwohl sie dann halt wirklich Leute physisch wirklich hinter sich haben, dennoch sich freuen und den Herrn danken einfach für jegliche Situation. Aber wir... uns nimmt das schon auseinander, obwohl es bei uns noch nicht mal physisch so schlimm ist. Pourquoi je compare ces deux continents? Parce que quelquefois, eux, ils se font beaucoup de stress, ils se stressent, et les gens en Afrique, par exemple, ils espèrent, ils veulent devenir même comme toi. Et mais nous aussi, on est ici, on a, y a personne qui nous combat, mais au lieu de regarder à l'Éternel, on se stresse et c'est pas bien. You know, years ago, there's a family friend that told us that children in Nigeria said he should go and be doing dubious things to get money. And this man said, if I do it, they will put me in prison. Then the children said, don't you know that prison in Europe is better than freedom in Nigeria? They said, okay. The children all said, Papa, you bring us here so that we will do it and go to prison here. You believe we are free in we are free there. Yeah, it's better we are in prison than we are free there. I don't know if you are getting it. You can see that, you know, until you see, we always want to see those that are bigger than us, those that have more than us, those that who have more than Christ. No one. You know, what they are talking about is just to this world. How much more you that have heavenly Father. Amen. That is greater than Europe. It's not Europe that there's nothing here without Christ. It's full of debt. Und auch ein Familienfreund hat uns mal erzählt, dass ein früherer Familienfreund hat uns mal erzählt, dass seine Kinder ihm gesagt haben, er soll halt dubiose Dinge machen, halt kriminelle Dinge machen, um Geld zu verdienen, na, damit er es halt nach Nigeria schicken kann, um denen zu helfen. Und hat gesagt, ja, aber wenn ich diese Sachen mache und ich erwischt werde, gehe ich ins Gefängnis. Dann haben sie halt gesagt, hey, aber Gefängnis in Europa ist auf jeden Fall besser als Freiheit Nigeria. Und ne, man kann das auch verstehen, weil in den Gefängnissen hier, du kannst eine Ausbildung als Mechatroniker machen, du kannst WLAN, saubere Toilette. Exactly. Also, alles da. Welt nicht gesehen. Ne? Deswegen kann man solche Aussagen verstehen. Aber dennoch ist das nicht, ist das nicht rechtfertigt, dass ich so eine Aussage. Aber welt nicht gesehen ist es... Ja, und das zeigt auch wieder, ne, dass halt ne, dieses welches System hier, das ist halt. Ja, ne, das ist halt einfach, kann man einfach nicht vergleichen mit den Zeiten damals, was damals halt einfach abging. Ja. Wie viel mehr? Wie viel mehr sollten wir dem Herrn danken und vertrauen in unserer Situation jetzt? Ja. En fait, on va comprendre aussi que. Il y a une amie qui m'a raconté l'histoire, une histoire, il m'a dit qu'ils ont envoyé leur enfant en Europe et cet enfant devait faire les histoires criminelles et il a dit que non, je ne veux pas parce que si je fais des histoires criminelles, on va me mettre dans la prison. Et la mère qui dit que mais tu sais pas que avoir être en prison là-bas en Europe c'est même bien mieux ou bien c'est bien que vivre ici en liberté genre là dans la prison tu vas avoir à manger, tu vas avoir la bouffe, tu peux faire tu peux avoir un travail, tu as même tu peux faire une formation, donc tu es, c'est comme si tu étais libre, une chose que tu peux pas faire ici au Nigeria ou bien en Afrique. Et c'est pour cela que je me suis dit que si les gens de ce monde peuvent considérer l'Europe si supérieure que l'Afrique ou penser comme ça, qu'ils veulent même préférer être en prison en Europe qu'avoir une liberté en Afrique. Combien de plus, à plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, dans notre royaume, quand on sait que notre Père, c'est Jésus-Christ, qu'il est capable de tout faire, combien de plus raison on a la possibilité ou bien on doit être en paix, ou bien vivre en paix. Praise the Lord. Hallelujah. You know, thank you, Mercy, for reminding me. You know, we have a friend long ago, somebody that was close to us, went to prison. He came back, not all computer, everything. He learned a lot of... he said, you can learn any kind of job there. They just teach you. I said, this one is good, though. Can I sing my song there? That's a lot. The people outside, they don't know anything. But you that went to prison, you know, so you can see that, yeah, you know, different countries, they have their prison system that are different. Nigerians, they said, is even better than Turkey. let us. So, there are some that they said, once you go there, let us continue that. Okay, praise the Lord. Amen. Amen. Und genau, das, auch ein Freund von uns früher, der war im Gefängnis und als er wieder rausgekommen ist, ne, wusste der, ne, wie man halt, ne, Word bedient, wie man halt Excel-Tabellen macht. Er kannte sich auf einmal am Computer richtig gut aus. Wir haben gesagt, hey, woher kannst du das auf einmal? Ja, im Gefängnis lernt man das alles. Also da kannst du dich entscheiden, was du für eine Ausbildung machst und die helfen dir dadurch. Und du lernst das alles. Und wir waren halt alle voll schockiert und krass und dachten, wie kann sowas sein? Weil wir kennen Gefängnisse nur in dem Konzept aus Nigeria, dass es halt schlimm ist. Aber hier ist es anscheinend ganz anders. Und jedes Land hat auch sein eigenes Gefängnissystem natürlich. Du kannst dann wiederum Nigeria nicht mit der Türkei vergleichen und Türkei wieder mit irgendeinem anderen Land. Aber das alles einfach nur, um nochmals klarzumachen, dass keiner wird dich in den jetzigen Zeiten in einen Feuerofen stecken, sozusagen. Deswegen sollten wir umso mehr den Herrn vertrauen und ihn preisen in jeglicher Situation. Ja. Donc on voit qu'il y a des différentes cultures, il y a des différents pays, ou bien des différents continents qui ont leur propre système concernant les prisons, par exemple, parce qu'on a appris ici qu'on connaissait quelqu'un qui était en prison, il est sorti, et puis il connaissait comment faire, travailler avec des programmes de l'ordinateur et tout ça. Donc, pour vous dire à la fin que si nos problèmes, on ne peut pas les comparer avec les problèmes que les deux garçons hébreux avaient. Et si on ne peut pas les comparer comme ça, à combien plus forte raison on doit apprendre à se réjouir en l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Thessalonians, put something here in Daniel 3, we are coming back. 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonica 5. 1 Thessaloniciens 16 to 1 Thessaloniciens 5, 15 à 19. It says, rejoice evermore. Amen. Amen. Pray without ceasing. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything. Powerful. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not when you are able to pay your debts. Mm. If evil is not working in everything, if doctor says it's getting worse, in everything, if nothing is working, in everything. Mm. In allem sollen wir dem Herrn danken, in allem sollen wir ihn preisen, ob wir die Schulden nicht begleichen können, ob der Arzt immer noch sagt, es wird schlimmer und schlimmer, wenn es nichts zu hoffen gibt. Dennoch sollen wir uns freuen, uns allzeit freuen und ihm danken. Amen. Ici on lit qu'on doit soyez toujours joyeux, priez sans cesse en toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu dans le Christ à l'égard de vous tous. Donc ça signifie que malgré n'importe situation qu'on a, malgré beaucoup des dettes qu'on a ou on n'en a pas, on doit toujours se réjouir. Même si tu n'es pas capable à le payer, tu dois te réjouir. You know, in verse 19, it says, quench not the spirit. Don't stop the Holy Spirit from working for you. Your fear, your doubt, your unbelief. Are you getting it? That you are not able to say thank you, we quench the Holy Spirit. We stop him from doing his job. In 19 steht, dass wir den Geist nicht dämpfen sollen. Wir sollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Das heißt, weil unser Unglaube, unser Zweifel, unsere Ängste werden den Heiligen Geist dämpfen. Deswegen sollen wir davon fernbleiben. Mm-hmm. Verset 19 nous dit que n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc ça signifie que notre peur et notre incroyance va faire de sorte que à travers notre incroyance, on peut éteindre le Saint-Esprit et de ne pas le laisser travailler pour nous. Amen. Amen. In verse 20, it says, despise not prophesying. That is the message of Christ to you. It's your prophecy. Christ's message, the message you listen to, don't reject it, don't ignore it, value it, meditate on them both day and night. Die Weissagung sollen wir nicht verachten. Das heißt, die Botschaft von Jesus Christus, die Offenbarung von Jesus Christus, die wir hier tagtäglich hören, sollen wir nicht verachten, nicht verweigern. Le message du Saint-Esprit, on doit vraiment méditer sur ça chaque jour et nuit et vraiment toujours être capable à l'écouter. Amen. Yeah. In verse 21, say, prove all things. Hold fast that which is good. Prove all things because Satan will want to bring something. Prüft alles in der Hand. No, you know that you are in need. You are hungry of bread. You know, remember when Jesus was hungry, he brought himself, turned the stone to become bread. Jesus have to prove it. Is this from my father or from Satan? Are you getting it? Prüft alles, denn der Satan wird versuchen, euch zu täuschen. Und deswegen müssen wir die Dinge, die auf uns zukommen, prüfen, ob sie vom Satan sind oder ob sie vom Herrn sind. Ob diese Sache, die beispielsweise als Jesus in der Wüste versucht wurde, als der Satan gesagt hat, mach das. Und dann musste Jesus das auch prüfen und sagen, okay, ich werde es machen oder nicht machen. Er hat es geprüft und deswegen hat er es nicht getan, weil es vom Satan kam und nicht eine Anweisung des Herrn. Et la Bible nous dit aussi, mais éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Ça signifie que On doit vraiment tout éprouver parce que le diable, il est là aussi, il est rusé, il veut aussi nous lancer des pièges. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment être capable à n'importe tout ce qu'on est en train d'écouter, de regarder si c'est de l'Éternel ou bien ça vient du diable. It is not only Christ that knows the situation you are going through. Satan also knows. And he will want to solve it in his own way. Nicht nur der Herr weiß, in welcher Situation oder Lage du steckst, sondern auch der Satan weiß und er wird versuchen, sie für dich zu lösen, dir Lösungsvorschläge darzubieten, schmackhaft zu machen. C'est pas seulement l'Éternel qui connaît ta situation, mais c'est aussi le diable qui connaît ta situation et il va vouloir aussi te tendre une piège pour le résoudre dans sa propre manière. Amen. And that's why you prove all things. Deswegen prüfen wir jede Lösung, prüfen wir jede Idee, prüfen wir die Pläne, wir prüfen das alles. Et c'est pour cela on doit tout éprouver. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19 again, don't quench the spirit. 19 nochmal, don't stop him from walking. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Dämpft ihn nicht durch deine Beschwerde. Nothing is working. Durch dein Jammern. You stop the Holy Spirit from walking. So. Instead of you say thank you, Father. Thank you. And allow the praise to the Holy Ghost can only walk in praise. When you are choosing Christ and say thank you, Daddy. Der Heilige Geist kann nur in Danksagung arbeiten, kann nur. You go in the midst of nothing. Nothing is working. Then you are matured. Sees your maturity. Aber er kann nicht arbeiten, wenn wir uns die ganze Zeit beschweren, meckern und jammern. Da kann er nicht arbeiten, weil das zeigt unsere Unreife. Wenn wir reif sind, dann preisen wir den Herrn, danken wir ihm in allem und damit kann er arbeiten. La Bible nous dit aussi, ne méprisez pas le prof, pardon, mais n'éteignez pas l'esprit, le Saint-Esprit. Ça signifie qu'on doit faire attention et on ne doit pas vraiment se soucier ou bien essayer de résoudre le problème nous-mêmes parce que sinon le Saint-Esprit n'est pas capable à le faire. Et même si on commence à pleurer ou bien à se lamenter, tout ça, ça empêche le Saint-Esprit à travailler. Praise the Lord. Amen. Go to Ephesians, please, before we go back to Daniel. Ephesians 5. Ephesians 5. Ephesians 5. From verse 15. Ephesians 5, verse 15. Verse 15 says we should not walk like fools, but as wise. In Epheser 5 steht, dass wir nicht wie Dumme wandeln sollen, sondern wie Weise. Ayez donc soin, mes frères, de vous conduire avec prudence, non en insensé. Es geht um deine Reife. Amen. Ici, il parle de notre maturité. Are you getting it? Walk like somebody that knows that you have a father that is there. Wandle wie jemand, der weiß, dass er einen Vater hat, der für ihn sorgt. On doit vraiment se conduire comme quelqu'un qui connaît qu'il a un père qui prend soin de lui, pas comme un insensé. Amen. Handle things maturely, like a child that knows that I have a father that I believe in, I trust him. Like the three Hebrew boys, it doesn't matter what happened. The end result, I already have the end result. The end result is Christ. Amen. Wir sollen, und so sieht man unsere Reife, dass wir so wandeln wie jemand, der weiß, dass er einen Vater hat und dass er diesem Vater vertraut und glaubt und deswegen das andere Resultat schon kennt. On doit se conduire comme quelqu'un qui sait qu'il a un père qui est capable de tout faire et on doit et pas regarder les résultats ou bien parce qu'on doit savoir que notre résultat c'est l'Éternel Jésus-Christ lui-même et c'est comme ça qu'on est sage. Quand tu es comme un insensé, c'est quand tu te conduis comme un insensé, quand tu ne connais pas que c'est l'Éternel qui est ton résultat et que tu te fais des soucis et tu ne sais pas comment résoudre le problème, en fait. But it's still redeeming the time. Because the days are evil. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Don't waste any time without praising Christ. Wir sollen keine Zeit verschwenden, um den Herrn nicht zu preisen. Wir sollen jede Zeit nutzen, die Zeit einkaufen, den Herrn zu preisen. Verset 16, même comme des hommes sages, rachetez le temps car le jour est mauvais et on doit utiliser le temps quand on est en train de rendre gloire à l'Éternel et pas quand on se soucie. Don't spend your time in fear, doubt and unbelief. Verschwende deine Zeit nicht in Zweifel, Angst und Unglauben. Na, arrête de perdre ton temps quand tu es en train de quand tu as la peur, tu as l'incroyance ou bien tu es en train de douter, par exemple. Ça, c'est perdre son temps. Praise the Lord. Verse 17. Wherefore be ye not unwise, but understand what the will of God, of the Lord is. You to understand the will of God. And the will of God is verse 20. Wir sollen den Willen des Herrn verstehen. Aber von Vers 18, we can even read it from there. Fängt ab 18 an. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Et là, on va voir sa volonté. Amen. Mm-hmm. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some people use wine to solve problems. Einige Leute benutzen Wein, um Probleme zu lösen. Benutzen Alkohol, um Probleme zu lösen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. There's no alcohol that can solve your problem. Aber kein Alkohol wird dein Problem lösen. It destroy you. Es wird dich nach und nach zerstören. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées qui veulent Il y a beaucoup de personnes qui veulent résoudre leurs problèmes quand ils sont en train de boire de l'alcool, quelque chose comme ça, ou pour être ivre, ne pas penser aux problèmes. Mais il n'y a personne qui peut résoudre les problèmes quand il boit quelque chose comme ça. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de résoudre les problèmes.